La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Oui, bonjour, bienvenue à la sortie de secours. La sortie de secours est à votre gauche. Excusez un peu le trémolo, c'est notre première émission. On est avec Sébastien Gertin, moi-même, et Lucas Hubert. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1. Normalement, on commencerait par un tour de table pour vous raconter notre semaine. Mais avant, je vais juste vous expliquer un peu en quoi consiste l'émission. Parce que, comme je l'ai dit, c'est notre première émission. Donc, c'est ça. L'émission consiste en ces deux co-animateurs, bien évidemment. Donc, je vous présente Lucas. Bonjour. Lucas est nouvellement à la maîtrise en philosophie. C'est l'actuel éditorialiste flambant neuf du Zone Campus. Moi, je viens de remplacer un vieux usé là, qui n'est pas très bon, de toute façon. Ouais, c'est ça. On rajoutera aussi que Lucas est poilu et le descendant de réfugiés politiques polonais. Le vieux, pas très bon éditorialiste du Zone Campus, c'est moi-même, Sébastien Gertin, qui vient de lui laisser la place malgré le fait qu'il prétend qu'il m'a évincé. Oh oui, ça a été un putsch, j'ai eu du sang, j'ai réussi à prendre sa place, puis là finalement tout le monde est content. À toutes les fois que je rentre dans le bureau du Zone Campus, les gens applaudissent, tout ça. J'ai mis fin à un règne tyrannique. Ah, c'était effrayant. Moi, il était obligé de se lever debout quand il m'applaudissait dans ce temps-là. maintenant, à cette heure que je travaille plus aux Zones Campus, je me retrouve dans la GN de la rédaction du mémoire en philosophie, moi aussi. J'ajouterais que je suis beaucoup moins poilu que lui et que, fun fact, mon nom de famille, ça signifie d'origine allemande en vieux français. Alors, on espère que nos ancêtres ne se connaissaient pas. Ceci étant dit, le but de notre émission, c'est en fait, cher public, je m'adresse à vous, j'espère que vous écoutez, de vous parler d'actualité avec légèreté et un léger biais idéologique vers la gauche. Non, pour vrai? Je te le dis. Merde, je m'étais pas préparé ça, là. Hein? Ah, on est dans le trouble. Oui, Lucas, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bon, normalement, le tour de table, on ferait le tour un peu de ce qui s'est passé dans l'actualité précédente. Sauf que là, présentement, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu d'émission précédente. Donc, j'ai décidé de vous faire un peu un tour de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité avant que l'émission commence. Donc, tout ça a commencé par un boom. Là, juste pour les étudiants en comptabilité qui nous écoutent, paniquez pas, c'est pas un boom économique. Je parle du Big Bang. Ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, après le Big Bang, ça a été long, plate, il s'est pas passé grand-chose, puis est arrivé quelque chose d'assez merveilleux, on appelle ça Lucas. Et là, je parle pas de moi-même, je parle en biologie. Lucas est un terme pour parler de la première cellule unicellulaire qui est arrivée, la première forme de vie. Lucas veut dire « last universal common ancestor ». Donc voilà, Lucas est arrivé. Lucas a un peu tout chamboulé. Après ça, la vie s'est complexifiée, il y a eu des êtres de plus en plus compliqués, il y a eu les dinosaures. Il y en a qui disent que cette complexification-là de la vie, ça va à l'encontre du deuxième principe de thermodynamique. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois que si on étudie un peu, mettons, les vélociraptors, les vélociraptors, ils chassaient en groupe, ils avaient leur proie, ils la poussaient d'un coin pour la chasser. T'sais, c'est assez complexe, alors que si on compare ça aujourd'hui, la grand-messe du dimanche soir, les gens, ils vont devant la télé pour regarder des vedettes sans talent, sélectionner des gens sans talent qui veulent aussi devenir des vedettes. Voyons donc! Excuse-moi, mais moi, je trouve pas qu'il y a une complexification de la vie. Moi, là-dessus, les biologistes, je trouve qu'ils sont un peu dans le champ. Bon, après ça, pour les dinosaures, il y a eu une comète qui a fait un gros boom, ça a arrêté les dinosaures, il y a eu une extinction de masse, destruction environnementale, ça a créé des changements climatiques. Pour ceux qui ne saisissent pas l'ampleur de l'événement de la comète qui a détruit les dinosaures, on peut se dire que ça a eu un peu le même impact sur la biodiversité et l'écosystème que ce que la mondialisation du capitalisme est en train de faire présentement. C'est juste pour vous donner un peu une idée là, de ce que c'est. Bon, ensuite, la vie a pris son cours. Les rongeurs sont devenus des chimpanzés, les chimpanzés des humains. Les humains sont partis de l'Afrique, ils ont un peu été partout sur la planète. Et depuis ce temps-là, on sait que la planète remercie énormément l'Afrique de l'avoir peuplée. On fait tout ce qu'on peut pour remercier l'Afrique. On leur envoie d'ailleurs nos élites financières corrompues, des usines insalubres, des emplois aliénants. Mais bon, un peu après, les gens d'Afrique ont été probablement de leur plein gré. Je suis pas trop au courant de l'histoire là, de comment est-ce que les gens d'Afrique sont arrivés en Amérique, là, mais probablement de leur plein gré sont arrivés en Amérique. Puis là, ils en veulent plus. Hein? Ils voudraient que les policiers arrêtent de leur tirer dessus sans raison. Bon. Ben voyons. Bah, hein? Des demandes comme ça. Ils veulent aussi des Oscars. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un peu l'actualité cette semaine, mais il y a des gens qui demandent est-ce qu'il y ait plus d'Oscars pour les gens de couleur. Ben, on s'y attend. Je veux dire, ils sont de plus en plus présents dans les films. Puis, je veux dire, à Hollywood, le dernier Star Wars mettait en vedette une femme et un noir. Là, je veux dire, c'est bienvenu en 2016 maintenant, d'ailleurs. On a failli faire avoir. Oui, d'ailleurs, j'ai quelques statistiques ici. Dans l'histoire des Oscars, meilleure actrice, 99% des Oscars ont été gagnés par des femmes blanches. En fait, il y a eu une femme noire qui a eu l'Oscar de meilleure actrice, c'est Halle Berry en 2002. Ceux qui, pour meilleur acteur, c'est 91% des Oscars qui étaient remis à des hommes blancs. Et pour juste donner une idée, les gens qui votent à l'Académie pour remettre les Oscars, c'est 94% des voteurs qui sont des hommes blancs, qui sont des blancs, excusez-moi, hommes ou femmes. Donc, on peut comprendre qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Bon, présentement, on a des gens assez connus comme Michael Moore, le réalisateur Spike Lee, qui ont dit qu'ils boycotteraient les Oscars. La femme de Will Smith aussi, d'ailleurs, Jada Pinkett Smith, aussi a dit que... Je n'avais pas pris celle-là, merci de l'information. Et, c'est bon, ça, à la rigueur. Bon, et donc, c'est ça, ça a parti, hashtag sur Twitter, Oscars so white. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent ça. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le New York Post aujourd'hui ont fait une assez excellente. C'est une photo d'une tempête de neige, parce que là, ils annoncent une tempête de neige à New York en fin de semaine. C'est une photo d'une tempête de neige, tout est blanc, et le titre de la une, c'est « Ce fin de semaine sera plus blanc que les Oscars ». Ça va vraiment trop loin. c'est quand même assez parfait. Oui, c'est quand même assez touché. Mais moi, j'aimerais quand même défendre les Blancs là, qui ont reçu tant d'Oscars que ça pour un rôle de meilleur acteur. Moi, je crois qu'on pourrait émettre la théorie qu'en fait, c'est pas nécessairement un problème structurel. C'est peut-être parce que les Blancs, nécessairement, sont meilleurs acteurs que les autres. Bon, je défendrais cette théorie-là. Non. Comment est-ce que tu vas défendre ça? À mon avis, là, on peut dire que c'est scientifique, ça. Parce qu'on a même vécu des centaines d'années d'évolution où est-ce que le plus grand talent de l'homme blanc était justement l'hypocrisie envers les non-blancs. Donc, on peut dire que ça s'est un peu inscrit dans nos gènes d'être bon acteur, de dire de la merde et de se croire et d'avoir l'air crédible. Donc, à mon avis, on peut mettre cette hypothèse-là dans le sujet. C'est peut-être pour ça que c'est si injuste que ça, tout ce qui se passe alentour des Oscars présentement. Ben, voyons donc! Et toi, bon. toi ton frère, ta ben, semaine, moi, c'était comment? Moi, j'ai décidé de respecter le cadre qu'on s'était donné, c'est-à-dire de parler de ma semaine, mais ça sera pas gratuit non plus. Dans le fond, moi, cette semaine, très longue tradition père-fils avec mon père, je suis allé au salon de l'auto. Et oui, un gars de gauche qui tripe char, ça existe. C'est ça. Donc, on est allé au salon de l'auto. Et une chose qui est remarquée avec le salon de l'auto, c'est que, bon, quand j'avais 16 ans, j'étais bien énervé d'aller voir les gros chars. Puis tout. Puis à cette heure, je suis peut-être un petit peu plus critique que j'étais. Puis ce qui nous a frappé tous les deux, c'est en fait que, bon, on est à l'heure où l'automobile tente de devenir plus verte, de devenir plus écologique, entre autres, la société en général tente de moins dépendre des combustibles fossiles. Et pourtant, le salon de l'auto de Montréal a décidé de n'allouer qu'une minuscule salle où il était seulement question de bornes de recharge, où il était discuté de l'auto électrique. Sinon, toutes les autos électriques étaient... disséminés à travers les exposants du salon qui, bon, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est chaque concessionnaire, chaque compagnie de voitures comme Honda, Toyota, ainsi de suite, ont tout un certain espace et amènent les modèles qu'ils veulent là et les gens peuvent circuler et voir les modèles là, de premier jour. Il y a des vendeurs et différentes personnes qui essayent d'avoir tes adresses courriel avec des concours et autres babioles qui discutent des voitures et les mettent de l'avant, ainsi de suite. Donc, si on voulait entendre parler, là, on commençait, mettons, on allait chez Audi, par exemple, le parcours commençait là. On voyait la magnifique Audi e-tron, et cela ne s'invente pas, qui est le véhicule électrique qu'Audi propose, qui va être en vente éventuellement. C'est en hommage au film Tron, tout ça? Je pense que oui, mais d'après moi, ils n'ont pas beaucoup de francophones dans leur équipe marketing, Audi, parce que e-tron en français, si on le français, ouais. Je ne le dirais pas en nom. Donc, ça, c'est une chose qui est assez frappante. Donc, c'est ça, on fait le tour, on est bon. Nous autres, ce qui nous intéressait, c'était les autos électriques, dans le fond. Là, à travers le son, on va se dire, oui, mais là, tu sais, il ne restait pas de place, puis tout. Il y avait deux salles complètes que c'était des chars remontés à la Fast and Furious. On s'entend-tu que c'était cool, v'là 10 ans? Mais maintenant, ça nous intéresse très peu. Et j'ajouterais comble du comble, puis d'ailleurs, les consommateurs le savent, les gens qui visitaient le savent aussi, la photo de couverture de l'édition de cette année du Salon de l'Auto, c'était la monstrueuse Pagani. Et je le dis vraiment comme ça parce que le nom est imprononçable, c'est un H, un Y, un U, un A et un RA. C'est imprononçable comme mot. La blague, je l'ai volée d'ailleurs à Top Gear en Angleterre qui faisait cette blague-là toutes les fois qu'il parlait de l'auto parce que c'est imprononçable, qui est un monstre de puissance et de consommation d'essence. Mais là tu me dis ouais. Ça, mais est-ce que c'est le gars de gauche qui parle ou tu penses que la personne moyenne qui allait au salon de l'auto et trouvait que c'était un peu ridicule? On s'entend, la voiture Googlez-la. Moi, je ne vais pas faire de promotion outre mesure à ça, mais la voiture elle-même était... Il y avait certaines personnes qui s'arrêtaient devant pour la regarder parce qu'elle a un look assez flyé, est assez spécial, bleu flash, tout le kit. Mais c'était vraiment pas autant de monde que la foule qui s'était rassemblée autour des deux Tesla S. Tesla, on s'en rappelle, le véhicule tout électrique, le premier qui, à mon avis, est fonctionnel et se compare à l'autonomie d'un véhicule au gaz traditionnel. Bon, on s'entend, l'engouement était là-dessus. Là. Donc, moi, je décerne la palme au Salon de Montréal de ne pas avoir suivi l'évolution. On n'est plus en 2004. Colin, s'il vous plaît, l'année prochaine, une salle avec des chars électriques. Ouais. Merci. On devrait laisser les carburants fossiles aux fossiles. Exactement, aux animaux préhistoriques de droite. Excusez-la. donc, cela nous amène à en chanson. En fait, on va aller se calmer un peu avec Philippe Braque et la chanson, l'excellente chanson « Héroïne ». Parfait. Le clairière est encore là. La lune s'y fait pleine jusqu'au bout de mes doigts. Les pneus crispent pis les prêts de sac de pommes enlevés au Christ une couche de nac. Le tarteau sans la pisse, c'est qui se défend humblement contre les chats qui l'assaillissent. Les poubelles ont des oreilles, de la compassion et une écoute formidable. Et la neige qui fond laisse renaître les botches d'autrefois. Nostalgie, je suis chez moi. Les yeux virent à l'aide si loin des sirènes et des épiceries. Est-ce Morphée ou Morphée? Est-ce une naine ou une fée? Est-ce Morphée ou Morphée? Est-ce une naine ou une fée? Que tu me blottiras dans tes seins comme la mère animale qui traîne encore son monde. Et nous n'oserons plus regarder les cratères dans nos bras. Et le chant de nos aiguilles coulera au rythme du sang de leurs églises. Oui, alors c'était Philippe Braque avec la chanson « Héroïne » de son dernier album. Donc, c'est maintenant l'heure de notre éditorial de la éventuellement, semaine. On devrait même avoir une petite musique pour accompagner le segment, mais on est encore dans les débuts. Donc, éditorial, c'est un segment de l'émission où on va un peu vous parler de ce qui se passe, il va prendre position et essayer de vous informer un peu, vous pauvres plèbes. Donc, l'éditorial. Moi, pour préparer, j'ai préparé mon éditorial hier et j'ai été un peu gêné parce que j'ai été obligé d'ouvrir un onglet de navigation privée sur Google Chrome. Ouais. Beau moment de radio présentement. Ouais. Non, ce qui est arrivé, c'est que je voulais vous parler de Donald Trump, parce que, tu sais, surprise, tout le monde parle de Donald Trump. On est une émission qui se veut de gauche, qui se veut un peu humoristique, donc c'est facile de parler de Donald Trump, mais j'ai décidé d'aller un peu plus dans le sérieux. Donc, j'ai décidé d'aller sur son site web officiel. Puis là, c'est ça, je voulais pas que mon historique se souvienne de ce moment-là de ma vie. Fait que j'ai été en navigation. Je comprends privée. Ta douleur là-dessus. Dans les dernières élections fédérales, par souci d'équité envers les partis, j'étais allé consulter le site des conservateurs et je m'en ressens encore sur Ouais, t'as pas commencé à avoir plein de pubs des conservateurs suite à ça? Oh, que oui! OK. Bon, tu vois, l'onglet de navigation privée, je crois que c'est probablement pour ça que Google l'a inventé. Là. Je vois pas d'autres raisons pour lesquelles on ferait ça. Mais bref, j'ai été sur le site de Donald Trump. J'ai été voir un peu sa plateforme. C'est divisé en 5 onglets. Bon, il parle des vétérans énormément. Il parle, une réforme sur les taxes. Bien sûr, il veut baisser les taxes. On s'y attendait un peu. C'est un républicain. Par contre, J'ai été voir, il y a un volet sur les armes à feu et honnêtement, j'ai été un peu positivement surpris. J'ai été un peu positivement surpris, honnêtement, parce que, il parle beaucoup. Bon, lui, il veut que tout le monde ait le droit d'acheter et de porter des armes. Bon, évidemment. Moi, je trouve un peu stupide. Par contre, il passe une grande partie du volet. Ce que je tiens à dire, ce que toi et la plupart du milieu académique qui fait des recherches sur le sujet. Oui, les gens qui connaissent les faits et qui disent autre chose que des arguments faciles, genre, un arme à feu n'a jamais tué quelqu'un, c'est la personne qui le tient. Genre, oui, mais la personne, ça ne l'avait pas dans... Bon, etc. Là, certains arguments fallacieux qui reviennent souvent quand on parle du sujet. Mais, bon, en dehors du fait que je trouve ça complètement stupide, la grande partie du volet où est-ce qu'il parle des armes à feu dit que, par contre, il se veut conséquent et qu'il considère que la plupart des personnes qui font des fusillades, sinon toutes les personnes qui font des fusillades, sont des, il appelle ça des red flags qu'on avait ratés. Donc en bon français, des drapeaux rouges. Ouais. Donc dans le fond, c'est des personnes qui ont des problèmes mentaux, puis qu'il aurait pu, s'il y avait eu de la prévention, être soigné, qu'on aurait pu avoir un suivi psychologique. C'est des gens qui auraient pu se faire réintroduire en société si on avait pris soin d'eux. Et il dit que donc le gouvernement devrait s'occuper d'avoir des institutions psychiatriques pour suivre les gens, qu'on devrait faire plus de prévention sur les maladies mentales, qu'on devrait les gens qui ont des maladies mieux les suivre, avoir plus de budget, plus de subventions pour s'occuper de ces gens-là. Bon, honnêtement, ça a été ma surprise positive. C'est quand même surprenant, mais par rapport à ça, on s'entend, on peut pas d'un côté dire qu'on est pour la déréglementation de la possession d'armes à feu et ensuite dire ça. C'est pas si conséquent que ça, en fait. C'est réglementer les armes à feu. Oui, il veut pas. En fait, je sais pas trop s'il veut les déréglementer, mais je sais qu'il veut continuer. Il ne veut pas plus les réglementer que ce que c'est là. Moi, j'ai l'impression que c'est en fait un démocrate qui s'ignore. En fait, historiquement, Donald Trump s'était toujours dit démocrate. Ça a été un peu une surprise quand il s'est présenté pour les républicains. Il avait dit d'ailleurs, la citation passée sur Facebook, mais il avait déjà dit en blague que si un jour il se présentait à la présidence, il se présenterait parmi les républicains juste parce que le public cible des républicains est trop imbécile et qu'il pourrait leur dire absolument n'importe quoi et être super populaire. Il avait dit ça dans les années 90. C'est quand même drôle si on se rappelle tout ce qu'il dit depuis qu'il se présente aux primaires. Ben, d'ailleurs, Trump était un ami de la famille Clinton. Il est invité dans leur party, Hillary est allée à son mariage. Clinton, c'est peut-être les plus républicains des démocrates, remarquez, mais... On pourrait dire ça. Mais bref, c'était pas le principal de mon éditorial. Le principal de mon éditorial, c'est la partie, justement, moi, ce que je veux vous parler, c'est du problème du lobbying aux États-Unis, qui explique en grande partie la popularité de Donald Trump, à mon avis. Le lobbying, c'est devenu un problème structurel, comme je disais. C'est estimé présentement aux États-Unis à 2,6 milliards de dollars américains, bien sûr, le nombre d'argent qui est dépensé par les groupes d'intérêt. Ça, c'est pas nécessairement des entreprises privées. Ça peut être l'Association des vétérans, l'Association des personnes âgées, ça peut être des syndicats. Bref. Donc, on rappelle, le lobbying, c'est l'activité d'une quelconque entité qui essaie de faire des pressions politiques oui, sur les politiciens, sur les sénateurs et autres élus américains. On a la même chose au Canada, bien évidemment, et au Québec. Absolument, ça, j'allais y venir. Vole-moi pas mes punchs, s'il te plaît. Ah. Non, mais le lobbying, présentement, ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, de la façon que leur politique est faite, le lobbying est vu comme étant la chose qui fait que la démocratie est saine. C'est-à-dire que n'importe quel groupe d'intérêt, qu'il soit de gauche, de droite, que ce soit un syndicat, que ce soit n'importe qui, peut faire du lobbying. Puis la diversité du lobbying va mener à une saine discussion démocratique qui va permettre au débat d'avancer et aux politiciens de faire leur choix. Or, ce qui est arrivé, c'est que depuis les années 2000, on a la problématique où est-ce que c'est les gens qui ont énormément d'argent qui peuvent se permettre de faire des pressions politiques, ce qui fait que présentement, c'est vu au sein de la population, comme quoi c'est pas nécessairement sain les pressions politiques qui se font. Et c'est une des choses justement qui explique la popularité de Donald Trump. Les Américains ont l'impression présentement que c'est Wall Street qui mène la vie politique, qui mène Washington. Donc, les Américains seraient peut-être un peu plus clairvoyants qu'on a l'impression souvent. Bien, là-dessus, il y a beaucoup de gens, justement, qui trouvent que Trump, c'est un imbécile, mais que lui, au moins, il ne va pas aller défendre les intérêts de Wall Street. Puis quand on va sur le site Internet de Donald Trump, quand on va justement dans le volet, il y a un des cinq volets que je parlais tout à l'heure qui s'appelle Chine. Bon. Et Qui s'appelle quoi, pardon? Chine. Le pays. China. China, ouais. Okay. Chine. Oui, OK. Chine. Oui, j'ai le traduit. Volet Chine. Oui, vas-y. Le volet Chine. Oui. Bon, excusez-moi. J'ai traduit une section du volet Chine où est-ce qu'il dit qu'est-ce que les États-Unis devraient faire face à la Chine. Et ça y va comme suit. Il dit « La chose la plus importante dans nos négociations avec la Chine, c'est de ne pas avoir peur de défendre fortement nos intérêts. Nous avons besoin de cela, de dirigeants qui veulent servir les intérêts des travailleurs américains et non des financiers de Wall Street qui veulent y déménager des usines ou y faire des investissements étrangers. » Et c'est ça qui est extrêmement ironique. Ça prend un Donald Trump pour dire « Ben, je vais défendre les intérêts américains et non les intérêts de Wall Street. » Et là-dessus, merde, on est obligé de dire « Il est crédible quand il dit ça. » Parce qu'effectivement, lui, il n'a pas de pression, il n'est pas financé par Wall Street, c'est un multimilliardaire. Et ce qui fait que ça explique en grande partie le fait que présentement, on a deux extrêmes qui montent dans les sondages. Bernie Sanders. Qui est socio-financé, principalement, et l'autre côté chez les Républicains, Donald Trump. Donc les deux extrêmes, parce qu'on sait Bernie Sanders, nous, c'est un de nos grands idoles à l'émission, hein. Ben oui, jamais entendu parler de lui. De toute façon, vous allez avoir maintes et maintes occasions d'entendre parler de lui à l'émission. On devrait avoir probablement un segment qui va parler de lui la semaine prochaine ou celle d'après. Mais ce que je voulais en venir, la raison pour laquelle je fais un éditorial sur Trump et sur le lobbying, c'est de dire que Trump est peut-être notre ami dans un sens, au sens où Trump est probablement un avertissement à la plupart des sociétés, y compris la nôtre, de regarder si on laisse à trop aller le lobbying, ça peut mener à des choses comme ça. Ça peut mener, ça peut faire que on va avoir une démocratie qui va tellement être aux prises avec une grande gastro que la seule solution, ça va être de voter pour une version douchebag de Youpi. Parce qu'effectivement, ses cheveux très très naturels ont presque la même couleur que lui rendu là. Ah, effectivement, et on peut dire que c'est pas mal un douchebag financier tant qu'à moi. De toute façon, on risque de reparler de lui un peu à l'émission, mais je voulais en parler justement pour dire que tu sais, des gens comme Raymond Bachand, notre ancien ministre des Finances libérales, qui s'en va, qui est maintenant lobbyiste pour qui? Bombardier. Pour Bombardier? Bombardier qui vient de se faire un beau gros chèque de 1,3 milliard par le gouvernement du Québec qui n'a plus d'argent pour rien d'autre. Exactement. Ah ben, le gouvernement du Québec, présentement, fait des pressions auprès du fédéral pour que le fédéral aussi investisse quelques milliards dans Bombardier. Mais on a peu à peu la même culture un peu malsaine qu'aux États-Unis qui s'installe, où est-ce que les politiques, quand ils ont terminé leur vie politique, s'en vont faire du lobbying et on a leur ancien parti qui adhère à ces pressions-là. On a un peu cette problématique-là qui s'installe au Québec. Et Donald Trump, j'espère qu'il va servir à faire réaliser à plusieurs gens que c'est pas nécessairement la bonne piste à suivre. Donc, merci beaucoup, Lucas, pour cette... mon Dieu, tu nous as presque rendu Donald Trump à agréable. C'est ça, vote Trump, everybody! Vote Trump! Make America great again! Bon. On espère qu'on a certains auditeurs américains qui ont pu écouter ça. Donc, c'était tout pour notre première partie d'émission, en fait, parce que nous, c'est juste une heure. Donc, une demi-heure, c'est une partie. On s'en va derrière chef en publicité. On revient tout à l'heure. C'est fou. 89.1. « L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Docteur, le patient est en hémorragie interne, puis son pouls est en chute libre. On fait quoi? Oh, faudrait essayer d'y enlever l'os du genou sans que le nez allume puis que ça sonne, là. Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Prochain match, édition spéciale Carnaval, jeudi 16h au 10-12. Relax, déconnecte, mot clic, ose à la limite. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Alors, re-bienvenue à La sortie de secours est à votre gauche. Maintenant, on s'en va vers le segment politique fiction avec Sébastien Guertin. Donc, comme on disait, c'est notre première émission, il y a eu un petit cafouillage, mais c'est pas grave. Imaginez que c'était plutôt la marche impériale, la toune de Darth Vader dans Star Wars. Donc, c'est ça, on s'habitue avec la console, c'est des choses qui arrivent quand on commence. Donc, ça aurait peut-être été un peu plus panaché, mais ce de quoi je voulais vous parler, c'est que, bon, dans le fond, politique fiction, c'est un segment qu'on va essayer de refaire une fois de temps à autre, qui se veut un peu ludique, mais aussi intelligent. Donc, c'est tout simplement de parler de prendre des ouvrages de fiction quelconques. Cette semaine, ça va être Star Wars, ce qui aurait été sous-entendu par la toune. Il y a quelques semaines, en fait, ça a été même avant les fêtes, il y a un article qui a fait un petit peu jaser, parce que là, bon, on sait, il y avait le grand engouement pour le nouveau Star Wars qui sortait, fait que là, tout le monde, les théories de fans, tout ça, et aussi les professeurs d'université qui ont trop de temps à perdre pendant qu'ils travaillent. Donc, c'était un professeur de l'université de Washington qui s'était amusé à faire une analyse économique et financière de la construction des étoiles de la mort. On se rappelle, les étoiles de la mort, communément appelées les Death Star dans l'univers de Star Wars, c'est des immenses stations spatiales de combat qui peuvent, avec leur canon principal, détruire une planète entière d'un coup. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, changez de poste, parce que nous autres, du monde, pas de culture comme ça, on veut rien savoir. Non, ben voyons, part... ben voyons, ça se dit pas des affaires comme ça, c'est... J'ai envie de te censurer, là, puis de faire jouer de la musique. Bon, c'est bien, hein. Je voulais me faire rattraper, je m'étais trompé le coup d'avant. C'était ça que vous étiez censé entendre tout à l'heure. Donc, la magnifique chanson associée avec l'arrivée de Darth Vader, ce personnage à la respiration ô combien saine. C'est ça. Donc, Darth Vader était un des principaux personnages de la saga. Dans Star Wars, c'est ça, comme je disais, l'histoire des films, ça m'a complètement perturbé dans mon... Je m'excuse. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Si t'es trop perdu, moi, je peux parler de Star Trek. Hein. Moi, je suis vraiment plus Star Trek que Star Wars, tu non, sais. Non, parce qu'on veut que ça soit quand même un peu divertissant. Donc, c'est ça qui arrive. La première émission, je considère qu'on a un gros mulligan d'une heure aujourd'hui. On essaye. Donc... C'est ça. Donc, les étoiles de la mort, c'est ça, c'était des stations spatiales qui coûtaient, parce qu'ils mesurent plusieurs... D'après les fans, il y a plusieurs théories comme quoi, entre autres, la première aurait mesuré... C'était une sphère, on s'entend, aurait mesuré 140 km de diamètre. On s'entend, c'est beaucoup de métal et beaucoup de recherches pour arriver à la construire. Donc, l'article duquel je parle... C'est par Zachary Feinstein, comme je disais, un professeur à l'Université de Washington, si ma mémoire est bonne, qui a écrit un article qui disait... Le titre de l'article, c'est « It's a trap. The Emperor Palpatine's poison pill ». Dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est que construire les étoiles de la mort, parce qu'on s'entend dans le premier film de Star Wars, là, celui qu'on appelle maintenant A New Hope, l'épisode 4, il y en a une. Il y en a une ensuite, une beaucoup plus grosse, deux films plus loin, dans Le Retour du Jedi. Donc, en tout, ça aurait coûté à l'Empire 419 milliards de milliards US construire ces... Donc, je vous laisse imaginer la colonne de zéro qu'il y a derrière ça. C'est 419 milliards de milliards de dollars US. Donc, ça aurait été extrêmement ruineux pour l'Empire galactique. Là, il fait des comparaisons avec quel serait à peu près le chiffre d'affaires de l'Empire galactique. Et ainsi de suite. Puis c'était un très gros montant par rapport au produit intérieur brut. Donc, selon le même papier, les détruire aurait été encore plus ruineux pour l'Empire et pour les rebelles qui, finalement, c'est le but des films, dans le fond, ont réussi à détruire les deux stations spatiales. Hey, je vais t'envoyer mes amis Facebook, tu viens de me spoiler Star Wars. Merci beaucoup. J'ose espérer que j'ai pas spoilé ça à grand monde. De toute façon, j'ai pas parlé du fait que c'était son père et que... Bon. Quoi? Donc la destruction des étoiles de la mort aurait amené un marasme économique, l'impossibilité pour le gouvernement, donc l'Empire, de repayer ses débiteurs, dans le fond, les gens à qui l'Empire a emprunté pour construire ça, parce que bien évidemment, on peut pas construire de quoi sans emprunter aux banques. Évidemment, odeur on de sait sarcasme. Qu'on fonctionne aussi comme ça dans Star Wars. Effectivement. Donc, ce que lui... Puis là, dans quelques petites secondes, je vais remettre en question ces postulats-là. Mais avant ça, je reste encore dans ce qui est vraiment dit dans l'article. Lui, dans le fond, sa théorie, la vraie raison pour laquelle l'Empereur construisait les étoiles de la mort, c'était pas pour avoir une arme surpuissante qui permet de détruire des planètes et de maintenir la galaxie sous son joug. Mais c'était bien... en fait, c'était une stratégie qu'on appelle « mutually assured destruction », donc une stratégie de destruction assurée mutuellement. Dans le fond, on pense entre autres la guerre froide était un peu une situation du genre, c'est-à-dire que si un des deux opposants faisait un move contre l'autre, donc attaquait l'autre, ben évidemment, lui aussi se retrouvait tout autant détruit parce que le temps que les missiles nucléaires se rendent, ben l'autre avait le temps de garrocher ses autres et tout le monde était mort. Donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que l'Empereur aurait, selon le papier, considéré que si les rebelles étaient assez imbéciles pour aller détruire ça, ben l'Empire galactique, effectivement, serait... s'effondrerait pour cause de crash boursier monumental et de destruction du système économique. Donc, dans le fond, les rebelles auraient ruiné la galaxie et ne se seraient pas retrouvés bien, bien mieux que sous le joug impérial. Donc, je dis joug, puis ça te fait rire. Non, je trouve juste qu'il y a vraiment énormément de postulats là-dessus, de choses qui restent à prouver sur la société star-warsienne. On va en venir, parce qu'en fait, puis je suis pas le seul à avoir parlé de ça, une recherche rapide sur Wikipédia, qui est l'équivalent de Wikipédia, mais seulement pour l'univers Star Wars, nous apprend beaucoup de choses très éducatives par rapport à ça. Donc, le gros problème, comme tu dis, il y a des postulats là-dedans, qui font que les... premièrement, en fait, l'intérêt de cette stratégie-là, c'est que l'Empereur aurait pris pour acquis que les rebelles auraient été conscients de tout ça et donc n'auraient pas osé attaquer les étoiles de la mort de peur de justement se retrouver après ça avec un gouvernement infonctionnel parce que financièrement complètement miné. On se dit, c'est un peu la thèse du papier, c'est que les rebelles ont été assez stupides pour tomber dans ce piège-là, ce qui a fait que l'Empereur a été défait, mais les rebelles aussi en même temps, et on ne nous montre seulement pas dans les épisodes suivants tout le marasme économique, la récession, c'est ça. Suite l'article fait moult discussions économiques et financières par rapport à la situation. On peut dire que c'est très rigoureux malgré le fait que c'est une magistrale perte de temps. mais le gros problème avec ça, qu'on peut le résumer à ça, c'est que l'auteur prend pour acquis que l'Empire galactique est exactement la même chose que le gouvernement américain, mais juste à beaucoup plus grande échelle. Ouais. Il y a même un passage où ce que, moi j'ai appris ça d'ailleurs, un article qui d'ailleurs tous les articles desquels je parle vont tous se retrouver sur notre page Facebook après l'émission, soit dit en passant. Un article sur le site web I Fucking Love Science, qui est un site de dilettante, on pourrait dire, qui s'amuse à colliger des nouvelles scientifiques, certaines plus sérieuses que d'autres, puis c'est entre autres là-dessus que cet article-là a été publié. Donc, on disait même, on allait même jusqu'à dire que la taxation pour la taxation nécessaire pour arriver à avoir les ressources financières pour construire ces étoiles de la mort-là aurait été une aurait créé je sais pas comment dire ça, mais aurait beaucoup écœuré les électeurs et on aurait eu des beaucoup plus grosses révolutions que ce qu'on voit dans les films. Bon, premièrement, on s'entend, il y a des espèces complètes dans les films qui se révoltent contre l'Empire, bien évidemment. Une des raisons c'était de c'était sûrement pour les taxes. C'était sûrement pour les taxes, effectivement. C'était pas du tout parce que le chef de la galaxie, c'était un autocratique qui s'était lui-même élu et qui en plus faisait usage de magie noire pour dominer ses bon, en tout cas moi les théologies de magie noire là, je suis pas capable. Ouais, effectivement, mais c'est sérieusement comme ça que l'Empire de facto l'Empire est considéré entre autres comme une magocratie, c'est-à-dire qu'une partie du fait qui explique le maintien au pouvoir de ce système-là et de l'empereur en particulier, c'est son usage du côté obscur de la force. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, puis ce qu'on peut trouver un lien avec le contexte réel économique et politique, c'est que bon, ce que l'auteur oubliait, c'est que l'Empire galactique n'est pas une république hypocrite comme les États-Unis, mais bien donc de jurer. De jurer, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire légalement dans la Constitution, bien que l'Empire n'ait pas vraiment de Constitution, mais un acte déclaratif qui, soit dit en passant, même dans les vieux livres de Star Wars et dans l'ancien canon avant que Disney rachète, s'appelait le Nouvel Ordre, c'est-à-dire The New Order, l'organisation méchante du nouveau Star Wars. Et oui, j'ai appris ça en lisant ça. Le geek en moi était heureux. Donc, de jurer, ce que ça veut dire, c'est que légalement, l'Empire est considéré comme une monarchie constitutionnelle qu'on pourrait appeler dégradée. C'est-à-dire, une monarchie constitutionnelle, c'est un peu comme l'Angleterre, entre autres, c'est-à-dire qu'il y a un monarque, un roi, dans ce cas-là, un empereur, qui est la figure politique importante, mais qui a quand même une certaine forme de démocratie. Dans le cas de l'Empire galactique, c'est des sénateurs. Il existe un Sénat galactique. D'ailleurs, il y a une discussion au début de l'épisode 4 à propos du fait que le but de construire l'étoile de la mort, c'est justement de maintenir le principe d'effectivité, duquel je vais parler dans deux secondes, du côté de l'empereur, alors qu'il dissout le Sénat, qui lui servait à tenir les mondes qui pourraient dissider un peu plus en l'est, en donnant une illusion de démocratie. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit monarchie constitutionnelle dégradée, c'est que l'Empire galactique est en fait une monarchie, mais qui se vautre un peu dans une espèce de semblant d'un petit peu démocratie. L'empereur fait à croire qu'il ne se fout pas totalement de ses sujets. On pourrait comparer un peu avec les monarchies un peu partout en Afrique. Souvent, c'est ça. Il y a des assemblées nationales, des choses comme ça, qui sont censées légiférer, qui sont avec des représentants élus, mais qu'ils ont juste un pouvoir consultatif. C'est-à-dire que le monarque, l'émir ou la personne dans ce cas-là a le droit d'écouter ou de ne pas écouter. C'est ce qui est voté démocratiquement. Effectivement. Mais en fait, c'est un peu le cas aussi d'ailleurs de la monarchie anglaise. Mettons, pas présentement, parce que le côté démocratique a beaucoup pris le dessus, puis la monarchie est devenue plus symbolique que d'autres choses, mais à l'origine, c'était plus ça. Donc ça, c'est de juré. Et de facto, donc dans les faits, c'est un empire totalitaire et humano-centriste. Bon, le humano-centriste, on va le régler vite, c'est que dans l'histoire de Star Wars, l'Empire galactique est très, très xénophobe et ne fait pas confiance à toutes les autres races d'extraterrestres. Donc, il y a à peu près juste des humains qui ont des postes importants. Ce qui est, là encore, un peu une espèce de comparaison avec la place des Blancs dans dans tous les lieux de pouvoir occidentaux. D'ailleurs, c'est presque juste des hommes qui avaient des postes importants, bien qu'il y ait eu une couple de femmes généraux, mais la plupart, c'était des hommes. D'ailleurs, c'est une monarchie un empire militaire, d'où le terme empire, d'ailleurs, et totalitaire. Totalitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Pensons à Hitler. Le Troisième Reich allemand était un système totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe, il y a une petite élite très très restreinte, dans ce cas-là l'empereur et quelques hauts généraux qui possèdent absolument tout le pouvoir et qui font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'empereur fait ce qu'il veut. Comment est-ce qu'il fait pour faire ce qu'il veut? C'est ce qu'on appelle le principe d'effectivité, d'ailleurs, qui est la base du droit international, c'est-à-dire que l'empereur fait ce qu'il veut parce qu'il se maintient par la force, parce qu'il n'y a personne qui a la force de s'opposer à lui, et c'est la seule légitimité qu'il a, en fait. C'est tout simplement sa force militaire supérieure à tous ses opposants. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle les étoiles de la mort ont été construites, on doit le répéter, c'est pour assurer sa dominance militaire sur le reste de la galaxie, ce qui fait qu'il reste au pouvoir. Donc, l'empereur fait ce qu'il veut. L'affaire aussi, c'est que pour financer la construction de ces gros jouets de destruction massive, il imprime toute la monnaie qu'il veut. Il utilise autant d'esclaves qu'il veut aussi, parce que, soit vous travaillez à construire mon étoile de la mort, ou soit je vous explose la planète, si vous les payez, etc. Donc, comparer une démocratie axée autour d'un système économique capitaliste n'a aucun rapport avec l'état du gouvernement galactique dans Star Wars. Il y a aussi le fait, si je ne me trompe pas, que les ressources ne sont pas détenues justement par des intérêts privés qui peuvent être... Et dans le fond, les ressources, c'est comme s'ils étaient nationalisés, comme dans un système fasciste. C'est assez complexe, en fait. C'est qu'il existe des entreprises de droite des entreprises qu'on pourrait dire capitalistes. Il y a un certain marché dans Star Wars, mais quand l'empereur décide qu'il veut quelque chose, il te dédommage pour ce qu'il te prend, il ne te l'achète pas. C'est ça la grosse différence. D'accord. Quand il est ami avec certaines compagnies, parce qu'il peut aussi saisir si bon lui ensemble, mais des fois, il a plutôt intérêt à laisser des compagnies semi-privées, un peu des PPP, partenariats public-privé, développer ces nouvelles armes. D'ailleurs, dans ce qu'on appellerait le fluff, dans l'histoire un peu derrière ça, c'est d'ailleurs comme ça que toute la technologie derrière les étoiles de la mort et les Star Destroyers, les gros vaisseaux en forme de pointe de pizza, ont été développés. Les ailes X des rebelles aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est des plans qui ont été volés à des compagnies qui travaillaient pour l'Empire. Donc, ce que je disais, c'est que comparer une démocratie capitaliste à un empire totalitaire, ça n'a rien à voir. Donc, le papier, il est très intéressant, mais il n'y a pas de validité tellement. Là, je parle du papier d'un professeur de l'Université de Washington auquel j'ai fait allusion en début de segment, qui disait que justement c'était extrêmement ruineux de construire des étoiles de la mort et encore plus de les détruire. Donc, moi, ce que je dis qu'il faut qu'on en retienne, c'est que l'économie et la finance sont au service des intérêts politiques et non le contraire. Oh, sur ces beaux mots, merci Sébastien. Sur ces beaux mots, on s'en va. À l'autre segment, le champion de la semaine. Cette fois, je vais mettre la bonne chanson. Donc, on y va. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on, let it shine. Alors, le segment champion ou championne de la semaine, on va l'expliquer parce que celui-là va revenir à toutes les semaines, un peu comme l'éditorial, en tout cas, si ça marche. C'est que... Dans le fond, on regarde dans l'actualité, puis ça, selon, on le décide vraiment à la dernière minute. On regarde dans l'actualité qui est-ce qui s'est démarqué par ces, ma foi, qualités phénoménales de grands démocrates ou de peu importe, en fait. La session dernière, Donald Trump aurait probablement été souvent, puis qu'importe ce qu'en pense Lucas. Mais cette semaine, on a décidé que ce serait Mélanie Joly, notre superbe ministre du patrimoine et du révisionnisme historique. Je vais laisser Lucas en parler plus en détail. Absolument. Hier, dans une déclaration, elle a dit, j'ai la citation ici, elle dit « Alors que nous nous apprêtons à souligner le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, penchons-nous sur l'immense influence qu'a exercée Sir John A. Macdonald sur la fondation de notre pays. Je vous invite à en apprendre davantage sur sa vie et son vision d'un pays qui valorisait la diversité, la démocratie et la liberté. » Son vision? Sa vision. Bon, sa vision. Regardez. Je m'en allais dire, est-ce que Mélanie Joly a déjà pris les traits de langage de son boss, Justin Trudeau? Non, c'est votre humble animateur de radio qui a lu ça un peu à la boboche. Alors donc, ça c'est très drôle parce que, bon, là on présente Sir John A. Macdonald comme un grand démocrate et un partisan du multiculturalisme et tout. Puis là, gardons bien en tête, il va avoir subséquemment des chroniques sur le multiculturalisme parce que c'est mon sujet de maîtrise. Mais on sait tous que les gens à la maîtrise aiment parler de leur mémoire. Oh que oui! Cela est faux en général, mais on va quand même en parler un peu. Mais bon, mettons de côté un peu les oppositions qu'on pourrait avoir par rapport au principe du multiculturalisme dans sa frange moderne, mais seulement sur la vérité un peu de ce qui est dit. Donc, mais Lucas, je pense que tu avais des... Oui? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Elle nous invite à en apprendre davantage sur sa vie et son vision d'un pays. Je trouve que c'est plus drôle comme ça. Et voilà. Même si c'est une fausse citation. Bon, et d'ailleurs, j'ai justement, pour cette raison-là, été chercher quelques citations de Sir John A. Macdonald dans le but de nous en apprendre davantage et voir à quel point c'est un homme qui valorisait la diversité, la démocratie et la liberté. Donc, pour ceux que leurs cours d'histoire du Québec sont un peu loin derrière eux, voici une citation, vous savez, Louis Riel, oui? Juste pour spécifier avant, Sir John A. Macdonald, c'est le premier ministre du Canada. Exact. À la Fondation du Canada en 1867. Et on en parlait parce que, bon, les festivités du 150e anniversaire du Canada, on en commence la préparation et c'est du ministre du Patrimoine et du Révisionnisme historique de s'en occuper. Voilà. Donc, Sir John A. Macdonald était au pouvoir à l'époque de Louis Riel. On se souvient, c'était en Alberta. C'était un métis qui a été pendu. Qui était de langue francophone. Raison pour laquelle les Canadiens français, principalement au Québec, se sont énormément opposés. Il y a eu beaucoup de révoltes et de grognes face à la pendaison de Louis Riel. Et Sir John A. Macdonald avait répondu face aux protestations au Québec suite à la pendaison de Louis Riel que Louis Riel sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Donc, on voit que c'est vraiment un grand démocrate qui considère que tous ses citoyens possèdent la même valeur. Et bien entendu, je suis extrêmement sarcastique ici. Il traite quand même les Québécois de chiens. Quand on pourrait dire que c'est une métaphore, mais c'est quand même pas une métaphore très flatteuse. Donc, j'en ai une autre ici. Justement, donc ça, c'est vrai. Celle-là, si je me rappelle bien, c'est celle qui est vraiment sur le thème du multiculturalisme, c'est-à-dire les immigrants et ceux qu'on amène travailler ici pour des salaires dérisoires, entre autres. Exact. Oui. Ben, la seconde citation, où est-ce que, bon, on se rappellera aussi à l'époque de John A. Macdonald, c'est le début de la construction du chemin de fer. Donc, le Canada veut s'étendre à l'ouest pour ne pas se perdre. Piqué du territoire par les États-Unis. Donc, on a justement énormément d'immigrants chinois qui viennent travailler sur le chemin de fer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a inventé le joyeux pâté chinois. C'est pas parce que les Chinois l'ont inventé, c'est parce qu'on prenait ce qu'on avait proche, c'est-à-dire du steak, du maïs et des patates, et on leur fourrait ça dans la bouche. Oui, et bon, à ce sujet, il essayait un peu de freiner le flux d'immigrants chinois, et on a une très belle citation où est-ce qu'il dit: ce n'est pas l'avantage de notre pays que les Chinois viennent s'installer au Canada, parce que si on laisse les Chinois s'installer ici, ils vont faire des bébés avec les Canadiens. Là, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Et il dit que, ça c'est une citation explicite, ça va créer une race bâtarde. Oh! Oui, quand même. Donc, je m'en allais dire, ça va trop loin, mais c'est quand même notre premier ministre. Oui, quand même, Sir John A. Macdonald. Faut quand même le respecter. Ah ouais? Ouais. Ben c'est non, vrai pas. Qu'il est sur nos billets de 10$, si je me trompe pas. Je pense que oui. Ouais, qui c'est qui fout là? Ben, c'est ça. Les allégations de multiculturalisme et autres, on s'entend particulièrement dans le cas du Parti libéral actuel. Notre ami Justin Trudeau, digne fils de son père et chantre du multiculturalisme. On s'entend, la déclinaison canadienne du multiculturalisme, on l'appelle le trudeauisme, c'est pas pour rien. Donc, Mélanie Genier est vraiment une championne. C'est vraiment notre championne de la semaine, parce que quand même, elle nous demande de s'informer sur Sir John A. Macdonald, alors que visiblement, elle n'a aucune idée c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il a amené, puis de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pour ça qu'on la met un peu sur le spot, parce qu'en plus, ceux qui la critiquaient jusqu'à récemment, ben maintenant, leur job dépend d'elle, parce que c'est tous des gens qui étaient à Radio-Canada. Donc, on a vu d'ailleurs dans le spécial de Noël d'Infoman, Jean-René Dufort s'excuser et se faire presque humilier par elle. Bon, lui, il a joué le jeu parce que Jean-René Dufort, il est assez bon enfant avec ces choses-là, mais il y avait quand même un petit symbolisme derrière ça. J'ai un peu l'impression, surtout que, bon, elle avait quand même promis certains réinvestissements à Radio-Canada, ça a l'air de s'en venir. D'ailleurs, j'attends toujours qu'on recommence à avoir des émissions de région puis qu'ils arrêtent de nous parler à Radio-Canada du trafic et du déneigement à Montréal. Mais bon, j'imagine que dans un avenir futur, ça va être là. On espère. Quoique ministre du patrimoine qui est député de Huntsic. C'est peut-être ça, elle, ce qu'elle veut dire, des trucs en région. On va peut-être avoir Montréal Huntsic. Je sais pas trop comment le prononcer, Huntsic, dans Montréal-Nord, là. Je l'ignore. Non, c'est pas Montréal. Mais c'est pas Montréal-Nord, mais en tout cas. Moi, la géographie montréalaise, là, je la connais presque autant que les Montréalais connaissent le reste de la province. Voyons donc! T'es cheap shot! Donc, je pense que c'était tout ce qu'on avait à dire là-dessus. On essaie de pas trop être méchant aujourd'hui, parce que comme on le rappelle, c'était notre première émission. Faut se garder un peu de verve. Là, on commence. On était un peu. Il y a eu des petits problèmes techniques d'ailleurs pour ceux qui étaient là tantôt. Rien de très grave, mais bon, ça va s'aplatir avec les semaines. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est rendu au mot de la fin? Ben oui, effectivement, on peut faire un rapide tour de l'actualité des choses qu'on ne s'attardera pas là-dessus, mais qui sont quand même intéressantes. Ben vas-y, informe-nous, mon Dieu. Moi, je me fais toujours un petit fichier comme ça, là, des actualités. Il y a des affaires qui nous accrochent quand on lit, mais qu'on sait qu'on va l'oublier. Ouais, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu connais Herbie Hancock, Sébastien? Le nom me dit vaguement quelque chose. En fait, c'est un de nos plus grands noms de jazz qui est présentement encore en vie. Un des plus grands noms du jazz. Ah, ben là, voyez-vous, moi, c'est parce que normalement, j'écoute Rouge FM, fait que le jazz, là... Ouais, t'as une grande culture musicale. C'est effrayant. Donc, oui, Herbie Hancock. Herbie Hancock, oui, qui vient de se faire engager. D'ailleurs, Herbie Hancock est un pianiste, pour ceux qui se posaient la question. C'est un des plus grands pianistes vivants présentement. Ben, il vient de se faire engager comme professeur de poésie à Harvard. Ah? Ouais. Pourquoi pas? C'est intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Donc, c'est des fans de Herbie Hancock et de poésie qui ont les moyens d'aller à Harvard. De payer le triple du salaire annuel moyen au Québec pour une session. Et voilà, ils vont pouvoir se faire lire de la poésie par Herbie Hancock lui-même. Sinon, une nouvelle qui nous a fait bien discuter dans le petit milieu de la philosophie politique, c'est-à-dire 3-4 personnes sur le mur de philosophie, sur le mur Facebook des philosophies, c'est une histoire assez intéressante d'un Finlandais qui est allé il n'a pas passé par l'armée finlandaise, il est allé par ses propres moyens en Syrie pour combattre l'État armé islamique. Donc, il a rejoint des groupes de rebelles, des groupes kurdes, si je me souviens bien. Et après ça, bon, il a combattu le groupe armé islamique. Puis là, il vient de revenir en Finlande. Excusez, c'est pas en Finlande, c'est en Hollande. C'est mon erreur. Il vient de revenir en Hollande. Et là, en Hollande... Ça se dit les Pays-Bas, soit dit en passant. Ça se dit les Pays-Bas. Bon, excusez-moi. Dans les Pays-Bas, il s'est fait accuser de meurtre. Pourquoi il s'est fait accuser de meurtre? Justement parce qu'il aurait quitté le pays pour aller commettre des meurtres, c'est-à-dire tirer sur des gens du groupe armé islamique. Mais ça soulève immensément beaucoup de questions morales. D'ailleurs, ça aurait pu être un truc qu'on aurait parlé plus en détail aujourd'hui, parce que ça tombe assez dans nos intérêts, tout ça. Est-ce qu'il y a un gros débat éthique derrière ça? Parce qu'on se dit, il est allé attaquer il est allé se battre contre des ennemis de l'État, si on peut dire, mais en même temps, ça a été quand même considéré comme des meurtres parce que son gouvernement, le pays duquel il est ressortissant, n'était pas en guerre à ce moment-là, ou en tout cas, n'était pas activement en guerre. Donc, c'était tout pour l'actualité, c'était les grands sujets où tu avais... Non, mais moi, je tenais à avoir cette discussion-là. Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'un meurtre, en fait, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un meurtre seulement quand l'État ne nous donne pas la mission, personnellement, d'aller abattre ces gens-là? Je veux dire, quelqu'un, s'il aurait fait la même chose, mais en passant par les forces armées de son pays... est-ce que ça aurait été un meurtre? Habituellement, la réponse est non. Donc, pourquoi est-ce que c'en est un dans ce cas-là? Puis en fait, j'ai pas de réponse, là. J'ai pas de parti pris là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en réalité, on pourrait dire que chaque fois qu'un soldat dans sa mission tue quelqu'un, même si c'est les gens du groupe armé État islamique, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Ben, effectivement, c'est une question très intéressante. Puis, bon, moi, je serais porté à partir dans un ratio ciné de dire, ben, il y a le de juré, le de facto là-dedans, comme j'en ai parlé tantôt dans le segment sur Star Wars. C'est une question extrêmement complexe. Puis, on réglera pas ça dans les 2 minutes qui nous restent. Donc, je vais quand même procéder au mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, on espère tout le long. On espère avoir été divertissant aussi. Donc, merci beaucoup, Lucas, pour l'éditorial, entre autres, sur Donald Trump. Merci beaucoup à toi pour ta politique fiction. Ouais. J'espère que j'ai été divertissant un peu avec ça. Donc, on te lit, Lucas, dans le Zone Campus, l'éditorial en page 5. Des choses comme ça. Faire comme ça dans je le corps pas, région, je me dis pas habituellement. À partir du prochain numéro qui sort la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, mardi prochain, on va d'ailleurs ta chronique va être effectivement signée par toi et non par moi. Effectivement. et oui, on l'a souligné en longue. donc c'est ça. Moi, cette semaine, je viens parler ici à tous les mercredis à l'émission Assemblage requis. Ma chronique est à 8h et je vous parle de à peu près le même genre de choses qu'on discute ici en fait, mais j'essaie d'avoir d'autres sujets. Donc, c'était tout pour ça. On espère vous revenir la semaine prochaine. Ça devrait. D'ailleurs, on va peut-être avoir une invitée la semaine prochaine si tout fonctionne bien. Et donc ça sera revenu la semaine prochaine et on se laisse sur une magnifique publicité. Merci, à la semaine prochaine. C'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca.